بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الحديث 50 بعد 100. سأقرأ كم حديث. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن يزيد ابن رمان عن صالح بن خوات ابن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه رقعه ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم أنصرفوا فصفوا وجاء العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وتموا لأنفسهم ثم سلم بهم والرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهل بن أبي حثمة. طيب يقول المؤلف رحمه الله سلون يزيد ابن رمان سلون صالح ابن خوات ابن جبير سلون personne qui aurait fait la salat avec le Nabi صلى الله عليه وسلم, c'est-à-dire un sahabi qui n'est pas nommé ici, qui a fait la salat طيب, un jour dans un lieu qui s'appelle Ariqa, qui a fait la salat de la peur avec le Nabi صلى الله عليه وسلم, qu'un groupe s'est aligné derrière lui. Et un autre groupe, c'est-à-dire derrière le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et un autre groupe a fait face à l'ennemi. Donc là, ça ressemble au hadith que l'on a pris hier, qui est toujours le même sujet, lorsque l'ennemi n'est pas dans la direction de la Qibla. Donc l'autre groupe s'est mis face à l'ennemi. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait avec le premier groupe une raka'a. Ensuite, il est resté debout, immobile. Et les autres, qui étaient derrière lui, ont fait leur deuxième raka'at individuellement. C'est-à-dire qu'ils ont complété les Emirakats directement, mais sans lui, sans qu'il ne soit leur imam. Ensuite, ils sont partis et ils se sont mis en face de l'ennemi. Et les autres qui étaient en face de l'ennemi sont venus et se sont alignés derrière le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il a fait sa deuxième Emirakat qui lui a comblé. Et eux l'ont fait avec lui. Et eux l'ont fait avec sa deuxième Emirakat. Après, il est resté assis. Quand il a fait le taslim, il est resté assis. Eux se sont relevés et ont fait leur deuxième rakat, seul également. Et au final, il a fait le taslim avec eux. C'est-à-dire, quand ils ont fait leur deuxième rakat, ils se sont réassis. Et là, il a fait le taslim, ils ont fait le taslim avec lui. Et l'auteur dit que le sahabi qui n'est pas nommé dans le hadith, il s'agit de Salim ibn Abi Hathma. Mais ce qu'on l'a fait une envoie, car le Cheikh Al-Famid dit que ce sahabi-là n'a pas participé à cette bataille. Bien qu'il ait déjà rapporté un hadith relatif à cette bataille, mais il n'y a pas participé en réalité. Donc cela est une erreur de l'auteur. Allah Ta'ala alam. Donc Yaqulu Fadilat Cheikh ibn Al-Famid. Les rapporteurs du hadith, il s'agit de Yazid ibn Rumman, Abu Ruh al-Madani. Un tabi'i, qui est thika. Et le deuxième, c'est Salih ibn Khawwat, ibn Jubayr, ibn Nu'man, al-Awsi al-Madani, et qui est également thika. Et le troisième, c'est le sahabi qui n'a pas été nommé dans le hadith. L'auteur dit qu'il s'agit, comme nous l'avons dit, de Sal ibn Abi Hathma, mais apparemment, ce serait une erreur de sa part. Allahu ta'ala alam. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où c'est un sahabi et que le tabi'i a affirmé qu'il a entendu de lui, le sahabi est forcément quelqu'un de fiable. Donc il n'y a pas de doute à avoir par rapport au hadith. D'accord ? Il n'y a pas de doute à avoir par rapport au hadith. Si le tabi'i a affirmé qu'il a entendu de lui et que ce tabi'i lui-même est fiable et que le sahabi n'est pas nommé, cela ne nuit en rien au degré d'authenticité de ce hadith. Et pour preuve, ce hadith est cité dans les deux authentiques, muslim et Bukhari. يقول في شرح الإجمالي explication générale du hadith. غزا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة غزوة قبل النجد على غطفان في نحو 700 من أصحابه رضي الله عنهم. Donc le Nabi صلى الله عليه وسلم fait une bataille en 7e année vers le Najd avec à peu près 700 de ses compagnons. وأكثرهم مشاة على أقدامهم فرقت من الحفا فلفوا عليها خرق وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم عدوه إلا أنه لم يكن بينهم قتال ولكن أخاف بينهم أو بعضهم بعضا. Donc, et la plupart de ses compagnons étaient tous des piétons, c'est-à-dire ils marchaient, ils n'étaient pas sur des montures, ils marchaient à pied. Et que cela leur abîmait les pieds, à tel point qu'ils ont dû justement mettre des bandages autour de leurs pieds. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a rencontré l'ennemi, hormis du fait qu'ils n'ont pas eu de combat. Ça veut dire qu'il a rencontré l'ennemi, ils craignaient qu'un combat ne se déroule, mais le combat n'a pas eu lieu. قال فصلى به من النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف وكان العدو في غير جهة القبلة ويخبر صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قسمهم طائفتين. Donc là, le Nabi صلى الله عليه وسلم, par crainte de cela, il a fait la salade de la peur. Et que l'ennemi n'était pas dans la direction de la Qibla. Donc, le Tabiri Salih ibn Khawwat rapporte à propos du Sahabi qui a participé à la bataille, qui lui a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a divisé ses troupes en deux groupes. Fadja'a la ta'ifa tujah al-adu tahrus al-muslimin wa tasud al-adu 'an al-hujum. Donc il a mis un groupe qui faisait face à l'ennemi et qui surveillait, qui faisait la garde pour l'empêcher d'attaquer les musulmans. Wa ta'ifu at-ta'ifatu thaniya safat ma'ahu fi as-salah. Falamma salla bihim rak'atan thabata qa'iman thumma faradu 'anhu wa tammu salatahum thumma sarafu ila al-adu. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? L'autre groupe s'est aligné derrière lui et ils ont fait une rakat avec lui. Ensuite, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est resté immobile. Et eux, ils ont complété leur deuxième rakat seuls, individuellement. Ensuite, ils sont partis pour se rendre face à l'ennemi. Fajat tujahahu. فجاءت الطائفة التي كانت تجاه العدو والنبي صلى الله عليه وسلم قائم فصلوا معه الركعة التي بقيت من صلاته فلما جلست للتشهد قاموا فصلوا الركعة التي بقيت من صلاتهم ثم جلسوا للتشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم بهم. Ensuite, le deuxième groupe, qui faisait lui en premier la guerre devant l'ennemi, sont venus et se sont alignés derrière le Nabi صلى الله عليه وسلم, qui était encore debout. Et là, le Nabi Salem a fait sa deuxième rakat qu'il devait faire à lui. Et eux l'ont fait avec lui. Ensuite, il s'est assis pour le tashahud. Il est resté assis. Eux se sont relevés pour faire leur deuxième rakat. Ils l'ont fait sans lui. Le Nabi Salem était toujours assis. Ensuite, lorsque eux se sont assis pour leur taslim, à ce moment-là, le Nabi Salem a fait son taslim et on l'a fait avec lui. D'accord ? C'est-à-dire que les premiers ont eu le début de la salat avec lui et le deuxième groupe ont eu la fin de la salat avec lui. Mais tous ont tous fait deux rakat. Et chaque groupe a fait une rakat avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui diffère de ce qu'on a appris hier. Ce n'est pas pareil. Hier, s'ils ont fait une rakat, ils sont partis. Le groupe a fait une rakat. Et après, ils sont repartis. Les premiers, les deuxièmes sont revenus. Et les premiers sont retournés à la garde, ainsi de suite. Ils se sont échangés. Sauf que ici, chacun fait ses deux rakat d'affilée. Mais une avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et l'autre seul. C'est la différence qu'il y a avec la salat d'hier. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بتقسيم الجيش إلى طائفتين أروع مثل في العدل وأخذ الحذر بتوجيه الله تعالى له حيث صلى بهم مختصت الأولى بتحريم الصلاة وهي تكبيرة الإحرام واختصت الثانية بتحليل الصلاة والسلام وبذلك فوت الفرصة على الأعداء. Donc le Nabi صلى الله عليه وسلم a divisé ses troupes en deux et cela était la façon la plus pieuse d'agir et en prenant ses précautions. Et cela selon les directives d'Allah subhanahu wa ta'ala. Du fait que le premier groupe a pu obtenir la première partie de la salat, qui est takbirat al-ihram. Et le deuxième groupe, ils ont pu avoir le taslim. Et les deux sont deux pieds de la salat. D'accord ? Et chacun a eu sa part. Et cela a également empêché de donner une occasion à l'ennemi de pouvoir attaquer. Naam. Yaqulu Sheikh Uthaymeen fi fawaid al-hadith. مشروعية صلاة الخوف عند وجود سببها qu'il est légiféré de faire la salat de la peur lorsque la cause est présente. ثانيا أن من أنواع صلاة الخوف إذا لم يكن العدو جهة القبلة ثم ذكر الوصف. Et que parmi également maintenant les façons de faire cette salat de la peur lorsque l'ennemi n'est pas dans la direction de la Qibla, il y a cette façon citée dans ce hadith là. Donc là, nous avons pris deux façons différentes de faire la salat de la peur dans la situation où l'ennemi n'est pas en direction de la Qibla. Thalithan, wujub al-muhafaza ala salat fi waqtiha ala ayi hal kanat, qu'il est obligatoire de préserver la salat dans son temps, en quelque situation. comme on a dit, excepté peut-être pour le malade ou pour le voyageur. Rabi'an, wujub salat al-jama'a al-rijal khadaran wa safara fi hal al-amn wa al-khawf. Qu'il est obligatoire à l'homme, aux hommes, de faire salat en groupe, qu'ils soient résidents ou en voyage, qu'ils soient dans la peur ou dans la sécurité. Khamisan, anna salat al-jama'a turak bi rak'a. La salat en groupe se rattrape avec une rak'at. Sadisan, jawaz infirad al-ma'moum an al-imam lil-uzr. Qu'il est permis à celui qui est présidé en salat de se séparer de son imam pour une raison particulière, une excuse légiférée. Comme ce fut le cas dans cette salat. Sabian, wujub, ittikhaz al-hazar min al-a'da bi kulli wasila. Qu'il est obligatoire de prendre ses gardes face à l'ennemi par tous les moyens possibles et moyens légiférés, bien sûr. Thaminan, husn tanzim al-islam wa adalatu. Ce qui prouve la bonne organisation de l'islam ainsi que sa justice. Car chacun a eu sa part de récompense dans la salat. Tasi'an, anna min husn tanzim al-jaysh an yakumu. أن يقف عفوا أمام العدو صفا لأنه أحب إلى الله وأثبت لقلوبهم وأرهب لقلوب عدوهم. Que parmi justement la bonne organisation de la troupe en islam, qu'il fasse face à l'ennemi en un rang aligné. Car cela est plus aimé auprès d'Allah Azzawajal, et cela également raffermit leur cœur et rentre la peur dans le cœur de l'ennemi. هذا الذي أخذ اليوم من الحديث والحمد لله رب العالمين.